Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 14e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان يوم الدين. أما بعد، أولا أسأل عن الكلمة، ما معنى رأى يرى؟ مكتب البريد. La poste. صندوق البريد. La voiture. البريد المسجل. Lettre commandée. والمسجل à la base. ما معنى مسجل؟ Enregistré. ونوتنا. لبس يلبسه. S'habiller. البريد العادي. Lettre normale. أضمن. Plus sûr. برقية. برقية. Telegram. أسرة. Famille. هيا. Allez. يعني. نعم. أرسل يرسل. Envoyer. هنا. Ici. Ma'an. Ensemble. At-tariq. Chemin. Andek. Ils veulent envoyer une lettre. Qu'est-ce que tu as dit? Ils veulent envoyer une lettre. Yuridun. نعم. يريد أن يرسل. نعم. يرسل رسالة. طيب. أن يرسل. نعم يرسل. نعم. طيب. وإن النون. أيوة. ما زلنا معك. نريد. نريد. نعم. نريد أن نرسل. نرسل. أين النون؟ يريدون أن يرسلوا. لماذا حذفت النون؟ قطع من النون. يرسلوا. بعد يريدون أن يرسلونا. قطع من النون. نعم. لماذا؟ لأن. صحيح ومن نون. الآن لماذا؟ أحسنت. كلا نون ولا. طيب. قلنا كم اليوم؟ ثالث؟ ها؟ الثالث؟ طيب. الرابع. الثالث فعلوا معا ونفصل. طيب. الرابع نحول كما في النموذج. نعم صح. تفضل الجملة الأولى. هو يريد أن يحفظ القرآن. نعم. أنت. أنت تريدين أن تحفظي القرآن. نعم. هما. هما يريدان أن تحفظا لا أن يحفظا نعم. القرآن. رابع نحن نريد أن نكمل نحفظ القرآن. نعم. خامسا أنتما تريدان أن تحفظ القرآن. أحسنت. سادس هن يريدن أن يحفظن القرآن. أحسنت. لماذا ما حذفت النون هنا؟ كنت أبغى النون. Parce que le nun là, il revient à elle. C'est un domir. Ouais, c'est un domir. On n'enlève pas. Non. Et le fir, quand il est accroché à nun niswa, il est même ni. Il ne change pas. Sabian, anta. Anta turidu anta hafaza al-Qur'an. Thaminan, antunna. Antunna turidna anta hafazna al-Qur'an. Non. أنا سادسا املأ الفراغات في الجملة الآتية باختيار كلمات مناسبة لما يلي. الجملة الأولى آخر من كراما يريد الابن أن يرى والده نعم سي سا ان يرى والده يرى يغسل يا على فان يرى يا الف ثاني ما يبوش با l'enfant ou le fils de voir son père. ثانيا يريد العامل ان يلبس ملابسه. نعم. Le travailleur veut revêtir ses vêtements. ثالثا البريد المسجل أدمان من البريد العادي. نعم. Le courrier recommandé est plus sûr que le courrier normal. رابعا صندوق البريد قريب من هنا. نعم. La boîte aux lettres est proche d'ici. خامسا وصل الموظف إلى المكتب البريد مشيا على الأقدام. نعم. L'employé est arrivé à la poste en marchant sur ses pieds. Non. Tout à l'heure, tu as dit. C'est pas Andy, hein? C'est Indy. Indy. Attends, souvent on dit que tu mets une fatha sur le Aïd. Ah. On dirait, c'est l'impression que j'ai. Donc c'est Indy. Non. Non. Le dod, là. Des fois, moi, j'entends pas le dod. J'entends pas. Il ressemble beaucoup, parce que l'oncle le lève. Là, c'est dans le tajoui, tu vas l'apprendre. Il ressemble au za. Moi, on ne va pas parler de ça, moi, des langues. De ça, c'est dans le tajoui, tu vas apprendre où placer ta langue. Le makharij des hurouf, comment les lettres sortent. Et tu verras que le za, quand tu vas bien le prononcer, il ressemble au za. Là, quand tu vas entendre les gens parler, qui prononcent bien, tu vas voir, il ressemble au za. Là, il est entre le del et le za. Tu vois, il ressemble un petit peu au deux. C'est la lettre qui est la plus dure à prononcer. Le don. Non. Il y a peut-être le kof aussi, pour les gens qui sont au début, et le aïn pour certaines personnes. Par exemple, les anglophones, ils ont du mal avec le aïn. Beaucoup de mal. Non. Ikra. Taïb. Awalen. أجيب الأسئلة الآتية. أين قابل إبراهيم صديقه سليما؟ قابله في الطريق إلى مكتب البريد. نعم. ثانيا لماذا ذهب سليم إلى مكتب البريد؟ ذهب إليه لأرسل لي. نعم لي. لي أرسل. لا. من يرسل؟ من؟ آه

نعم سليم فرد الجمع. طيب مفهوم النص؟ C'est un verbe qui ne vient que à l'impératif. Kafikuri ta'ala wa hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Et apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Et lui, il n'a pas de transformation. Il vient que au homme. Il n'a pas demandé, il n'a pas demandé à l'air. Tu l'emploies que pour l'homme. Et pour une preuve, tu dis hati, nam. Et pour des hommes, tu dis hatu, et ainsi de suite. طيب اولا استمع وردد دونك maintenant il va vous apprendre comment employer l'ada qui veut dire عند عند الان فقط نعم الفرق بين عندي قلم ولدي قلم عندي قلم c'est j'ai un stylo mais c'est pas qu'il soit pas avec toi c'est pas qu'il soit à la maison ولدي قلم il est avec toi sur le moment où tu parles نسمعي كما قلت معي قلم طيب لدي قلم معي لدي رسالة donc là c'est j'ai une lettre on dit لدي parce que dedans à la base c'est لدى et là donc là il s'est passé quoi on a dû y accrocher il y a le متكلم qui revient à moi donc ça a fait une chedda sur le ya en fait on a deux ya maintenant parce que l'ada, quand tu l'accroches à un domir, il se transforme en ya. Tout seul, c'est l'ada. C'est un alif maksour. Vous voyez, un alif en forme de ya. Mais dès que tu l'accroches à un domir, il se transforme en ya. Donc là, on va avoir deux ya. Donc on met une chedda. Fanyen, la deina kitabun. Nous avons un livre. Fanyen, la deika palamun. Tu as un stylo. رابعاً لديك حقيبة تيوا نفاليز عند فم خامساً لديهما درج ils ont un casier ou tous les deux ont un casier on dit pas لديهما لديهما là pour la liaison quand il y a devant c'est comme fihi tu dis pas fihu c'est dit tu peux le trouver dans une langue tu peux le dire vous voyez dans le Coran c'est venu عليهو mais le mieux là à ce stade là tu prends ce qui est connu chez les gens quel verset il y a avec c'est dans le Fath soit le Fath ah, il y a un verset où il y a avec non طيب لديهما برجون normalement c'est لديهما mais là pour la liaison entre le ya et le ha le ha on le met une kasra سادسا لديهم سيارة ils ont une voiture لديهن مكتبة elles ont une librairie ou une bibliothèque ثامنا لديكما حافلة vous avez tous les deux un bus ou un car تاسعا لديكم بقالة vous avez une épicerie عاشرا لديكن برقية vous avez en parlant des femmes un télégramme donc il dit ثانيا حاول كما في النموذج لدي رسالة أريد إرسالها donc la même phrase en dessous entre parenthèses mais nahnu donc il veut que vous fassiez la même phrase avec les damaïr qui sont exposés en dessous nahnu masalan comment tu vas dire ladayna risalatun nuridu irsalaha طيب ما انا c'est facile il est déjà à la base ladayya risalatun nuridu irsalaha on va changer la phrase لدي مصحف أريد أن أحفظه. مصحف. ميم صاد حاء faire. أريد حفظه وفن لدي مصحف أريد حفظه حفظ كي المصدر حافظ يحفظه حفظه نعم طيب ثانيا مع نحن عندك داود لدينا لا لدينا نعم لدينا مصحف لدينا مصحف أريد نريد نعم نريد حفظه حفظه نعم ثالثا أنت لديك مصحف تريد حفظه نعم رابعا أنت لديك مصحف أريد تريدين حفظه حفظه خامسا أنتما لديكما أنتما لديكما مصحف تريدان حفظه نعم سادسا أنتم لديكم نعم لديكم مصحف مصحف مصحف يريدون لا أنتم تريدون نعم حفظه أيوة أنتن أنتن لديكن مصحف تريدن حفظه نعم ثامنا هو لدي تقدم المتصل كان هو لديه ما من نوع بمت النماء ما تبغى دي سبحان دما سي سي كو Comment tu dis fille et ou Lédehi Mushaf Mushafu Yuridu Ifzo Tassian, hiya Lédehi Mushafu Turidu Hibza Yuridu Turidu Hibza Non Huma Huma Lédehi لديكما ايوه c'est ça لديكما مصحف تصيبهما c'est pas انتما c'est غائب là لديهما لديهما لديهما le هاي devient كسرة لديهما مصحف اريد الحفظ لا يريد لا هما كيف تقول يريداني نعم يريداني حفظه نعم يعني هما وضيفا انتبه هما لديهما مصحف يريداني دفن الغائب المؤنث كيف تقول لا كما تريد هي تريد او تريدان ايوه تريداني لديهما مصحف تريداني

اشترى سليم توابع بريد بخمسة ريالات من شباك المجاور. Donc Selim a acheté des timbres postaux pour 5 rial dans la fenêtre qui était à côté. C'est pas cher, Ah, c'est pas cher, l'entente, Mashallah. 5 rial saoudi, c'est pas 5 rial yéménite. C'est pas la même valeur. Je crois que 1 rial saoudi, ça fait 50 rial yéménite. يقول أولا أجيب الأسئلة الآتية لو دغي أريبون كيستيون. أولا هل ذهب سليم إلى مكتب الهاتف أو إلى مكتب البريد؟ Donc est-ce que Selim s'est rendu au poste de communication de téléphone, on va dire, ou à la poste? الهاتف c'est le téléphone. ثانيا لماذا ذهب سليم إلى مكتب البريد؟ Pourquoi Selim s'est-il rendu à la poste? ثالثا هل رسالة سليم بالبريد العادي أو بالبريد المسجل؟ Est-ce que la lettre de Selim est par le courrier normal ou par courrier recommandé؟ رابعا كم ريالا دفع سليم قيمة للتسجيل؟ Donc combien a-t-il payé en rial ou Selim combien Selim a payé en rial la valeur de l'enregistrement du recommandé؟ خامسا بكم اشترى سليم التوابع؟ Donc combien a acheté ou pour combien a acheté Selim de timbre؟ مكتب الهاتف c'est taxiphone pour un genre de taxiphone. Ou un lieu. Non, ça peut être aussi là où tu payes les factures de téléphone. Taxiphone c'est tisolat, comme ils disent. Hatif c'est bon. Téléphone. Mafoumada? طيب هذا اللي غادي ان شاء الله. وانتهينا من الدرس الثاني عشر بفضل الله. والحمد لله رب العالمين.